une longue histoire, les cheveux. Mais les cheveux, c'est une identité sociale. Donc, pour moi, je ne suis pas en paix avec cette identité sociale. Pendant 15 ans, j'ai défrisé mes cheveux. Et aussi, j'apparentais ça aussi à de la féminité. Quand je l'ai détaché, et moi, j'ai commencé à me construire dans un truc vraiment de butch. Mon rapport aux cheveux, il est beaucoup traversé par la chimio. Et que c'est arrivé tôt dans ma vie et que ça m'impacte encore aujourd'hui. Et ça m'a fait de moins en moins les lâcher, parce que pour moi, ça renvoyait un côté féminin que je n'avais pas envie que les gens voient. Moi, c'est peut-être aussi de mon éducation, de ma génération, etc., etc., où le cheveu, pour moi, c'est l'espace intime. Je viens d'une famille musulmane, du coup il y a tout ce truc de la femme, moi je suis assignée femme à la naissance, du coup les cheveux c'est la part de féminité, c'est pour ça qu'elle est cachée par un voile. Puis moi j'ai les cheveux bouclés de nature, du coup c'est encore véhiculé mon côté racisé si j'ai les cheveux longs, alors que court peut-être un peu moins. C'est ce que je pense. Mais aussi, c'était vraiment la maladie pour moi. Enfin, les seules fois en fait, où j'ai vu d'autres filles chauves, c'était à l'hôpital et c'était des filles qui avaient un cancer, quoi. Montrer son racisme. Il y a toujours eu un truc un peu... Oui, ce que j'ai pas précisé, c'est précieux d'avoir des cheveux. Donc j'étais adoptée, mais j'étais adoptée par une famille. Si j'aimais pas qu'ils soient bouclés, j'ai toujours beaucoup aimé qu'ils soient là. Crépus, t'as les cheveux crépus, c'est juste un truc de marquer la différence. Ça en révèle fait. Aussi un passif colonial, en tout cas ici là, en France. Ça fait 2 ans que les personnes me renvoyaient plutôt une image négative, notamment des personnes qui se considèrent comme français de souche. L'étude nocturne. C'est quoi ces cheveux? Ils sont moches, on dirait de la paille. L'étude nocturne, saison 5, épisode 32, Hair FM, partie 1. L'étude nocturne. Je peux dire simplement, je suis née à Marseille. Je suis née à Marseille, j'ai 47 ans. J'ai vécu plein d'époques de Marseille. Et voilà, je suis d'immigrée. Du coup, quand on revient à mes cheveux, c'est une longue histoire, les cheveux. Mais les cheveux, c'est une identité sociale. Donc, pour moi, je ne suis pas en paix avec cette identité sociale. Et je suis en paix avec moi-même. Mais avec le retour des autres, en fait, sachant que je pense que j'ai un potentiel de colère et d'indignation qui peut aussi contredire, en fait, ma philosophie bouddhiste, je me suis rendu compte que pour le moment, quand il y a un moment donné, je vois que le dialogue, c'est pour moi difficile de l'entamer ou de le mener, en fait, avec la société, avec le social en général, en fait, que ce soit d'un côté, on va dire, valorisant ou dévalorisant, en fait. Entre ces deux-là, j'arrive pas à trouver mon équilibre. Voilà. Et donc, mes cheveux sont frisés et que, notamment, en tout cas, vis-à-vis des gens qui sont de mon origine, ça révèle, tunisienne, ça révèle aussi un passif colonial et un passif aussi... au niveau esclavagiste, si tu veux, dans les mentalités, on voit bien que, en tout cas, le modèle de la personne qui a une peau blanche, des cheveux lisses et tout ça, ça reste un standard valorisé. Et que dans mon pays, jusqu'à maintenant, en tout cas ici en France, les personnes me renvoyaient plutôt une image négative, que ce soit des gens de ma communauté ou que ce soit des gens d'autres... notamment des personnes qui se considèrent comme français de souche. Dans ce principe du bouddhisme, ce que tu vis à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est toi, comment tu es, comment tu te présentes, tes relations avec les gens, avec quoi tu deals ton quotidien, tu gères ton quotidien, etc., etc. Donc moi, sans cesse, c'est une espèce d'aller-retour, en fait, vers l'intérieur, l'extérieur en permanence. Et en ce moment, la symbolique de mes cheveux, pour moi, c'est véritablement comment tu te présentes. C'est la première chose que les gens regardent, je pense. Les gens ont tendance à regarder plus les cheveux que les yeux, même. Donc, dans ce cas-là, moi, je me rends compte que, au niveau de l'extérieur, j'ai pas un rapport apaisé. Je préfère fermer mes cheveux. C'est une touffe, mais je les ramasse. Je m'appelle Amine, j'ai 37 ans, je suis une personne racisée, je suis d'origine marocaine et je suis née en France et j'ai les cheveux rasés depuis le premier confinement. Je suis brun, mais j'ai beaucoup voulu jouer la carte de l'intégrationnisme et du coup j'ai beaucoup fait des colos, surtout au début parce que être rasé ça faisait comme être trop masculin et du coup pour m'assumer conserver une part de féminité, je me faisais des décolos et après avec du recul j'ai plutôt pensé que je cherchais à me blanchiser. Je sais pas, de jouer un peu une carte d'être fashion queer quoi. Je viens d'une famille musulmane, du coup il y a tout ce truc de la femme, moi je suis assignée femme à la naissance, du coup les cheveux c'est la part de féminité, c'est pour ça qu'elle est cachée par un voile. Du coup je pense que oui, il y a une grosse signification et puis moi j'ai les cheveux bouclés de nature, du coup c'est encore véhiculé mon côté racisé si j'ai les cheveux longs, alors que court peut-être un peu moins, bon, c'est ce que je pense. Alors, en Tunisie, c'est encore autre chose. En Tunisie, c'est le code de la hiérarchie sociale qui est à l'intérieur du pays, tout comme il existe un code du statut social en France, tout comme il existe un statut social. Voilà, ça, les gens, dans chaque pays, tu as un code et tu as aussi des apparences. Il se trouve que dans beaucoup de pays anciennement colonisés, on a un code de la hiérarchie sociale qui est plutôt lié à une apparence qui s'apparenterait à un Européen. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que les codes changent aussi en Tunisie, en Algérie, et je trouve plus vite, à la limite, que ce qui se passe en France. Il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, qui s'identifient, qui, en fait, identifient leur identité comme étant vraiment pluriculturelle et qui arrivent à trouver, en fait, justement, leur... à valoriser leurs cheveux dans l'espace public et à être en accord avec comme ils sont, qui ils sont, leur métissage et tout ça et tout ça. Quand on vient en Europe, c'est un petit peu différent. On a un côté un petit peu exotisant de la chevelure frisée ou crépue ou ce que tu veux, qui naturellement va être porté dans certains contextes et ce sont des gens qui vont être quand même valorisés socialement. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est quand je vois dans les quartiers ici à Marseille des jeunes qui de plus en plus en fait laissent leurs cheveux tels qu'ils sont. Pour moi, il me semble que c'est un espace de liberté qu'ils s'octroient. Parce qu'ils sont dans ce moment où, voilà, je suis rien pour la société, je vais être moi ce que je peux au maximum dans mon soi-disant vie. Ça, c'est une pote, en fait, qui est éducatrice, qui, à un moment donné, elle m'a raconté cet échange de SMS, en fait, où ce terme soi-disant vie, où les personnes issues des quartiers populaires, modestes, où la précarité persiste, cette précarité européenne qui n'est pas la même précarité qui existe ailleurs, en fait, on n'a pas l'impression d'être très légitime. Donc, moi, ce que je reconnais à travers les jeunes, en fait, qui portent leurs cheveux, c'est cette espèce d'espace de liberté qu'ils acceptent, qu'ils ont envie d'ouvrir, en fait. Voilà. Moi, c'est encore autre chose. Moi, je vois bien que dans mon contexte, selon le contexte, je ne suis pas en en paix, en fait, avec cette confrontation à la société. Voilà. Je ne suis pas en paix parce que je dois apprendre en même temps à me sentir légitime dans tout ce que je ressens. Et en même temps, je n'ai pas envie de faire l'erreur que j'ai vue en face de moi à de nombreuses reprises. C'est-à-dire, parfois, de prendre des principes ou des positions qui semblent être des positions de justice ou d'égalité ou de choses comme ça, face à un contexte que je ne connais pas. Et en tant que personne où je peux dire que dans ma vie quotidienne, je connais la discrimination, malgré que par mon éducation, je fais le maximum pour en fait éviter ce genre de problème, je me rends bien compte que je ne peux pas connaître non plus la réalité de l'autre, même si j'ai des préjugés, même si j'ai des choses à défendre. Et du coup, voilà, cet espace public, eh ben, il s'apparente à ce que je porte sur ma tête. Au Maroc, il y a tout un rituel, enfin, il y a même plusieurs rituels, le henné, elles se font des soins avec de l'ail, et y a aussi, comment elle s'appelle, l'huile de nigel, et du coup, c'est des produits qui sentent pas bons, qui sont pas très agréables à avoir sur le crâne. Et moi, à chaque fois que j'allais au Maroc, je me disais, mais, ah, bah, c'est parce qu'elles font tous ces soins-là que leurs cheveux sont magnifiques. Et du coup, à chaque fois que je rentrais du Maroc, j'essayais de mettre en place ces pratiques-là dans mon quotidien. Mais comme je suis élevée par une blanche aussi, ben, je perdais le fil. Et puis, c'est marrant, ça, à chaque fois, ça revenait quand je retournais au Maroc. Et c'est vrai qu'il y avait tout un... Moi, j'ai beaucoup aimé ces moments privilégiés d'intimité, où on se retrouve entre personnes assignées femmes, à prendre soin de nous, à se donner des conseils, à faire du partage d'expérience, quoi. Et elle a toujours à nous taquiner en disant « Vous, les Blancs, vous êtes sales, vous savez pas vous occuper de vous, vous mettez juste du savon sur votre corps et vous estimez que vous êtes propre, alors qu'en fait, vous êtes sales. Le gant noir, toutes ces traditions où toi, tu rentres et tu te dis « Ah, mais ouais, je suis quand même bien français, quoi. » لو كنت مغمض عيني وتاخذني الأحلام من إيديا ونعلم نحل في السماء جديدة وننسى الوجايا لو كنت نسافر في خيالي نزرع ونبني بصور غامض عيني Quand je parle des jeunes, je parle aussi bien des gens qui portent leurs cheveux que ceux qui les couvrent. Tu vois, c'est-à-dire ce que je choisis de mettre sur ma tête, comment je me présente dans la société, tu vois. Moi, c'est peut-être aussi de mon éducation, de ma génération, etc., etc., où le cheveu, pour moi, c'est l'espace intime. Et donc, ce n'est pas un espace que j'ai envie de partager avec l'extérieur, même si je ne porte pas quelque chose dessus. Pour moi, c'est l'espace intime. Et peut-être qu'à ce moment-là, je dis, voilà, je ne maîtrise pas ces codes-là dans la société. Voilà. Ben, je pense comme beaucoup de gens qui ont eu un peu ces sentiments un peu de ne pas être dans l'adéquation, dans l'image, etc., qui pourrait leur favoriser une vie sociale plus tranquille, plus valorisante. J'ai appris aussi à aimer ce que je suis et à respecter ce que je suis, ça c'est sûr. Mais d'aller le rencontrer dans l'espace public sans jouer à un jeu, c'est là où voilà, je pourrais le faire, je peux le faire ou je le fais. Mais c'est à un moment donné, est-ce que j'ai suffisamment galéré personnellement pour me reconnaître, pour jouer avec ça, avec d'autres, ça me va pas. Voilà. Ça passe pas par les cheveux. Faut pas que ça passe par les cheveux ça me concerne moi. Et après si, je voudrais rajouter un truc. Je pense qu'il y a eu un gros trauma dans la famille par rapport aux cheveux parce que ma sœur elle est voilée, donc de son choix, et elle a de la pelade. En fait elle a des endroits sur sa tête où elle a des trous et elle perd ses cheveux. Et du coup, il y a eu tout un discours, je pense, qui est un peu islamophobe aussi, en disant « mais en fait, c'est ton foulard qui crée ça ». Et bon, je pense que ça aide pas, mais en réalité, il y a surtout des gros traumas dans la famille. Et elle pense qu'il y a vraiment un lien, un trauma et une perte de cheveux. Donc elle a été à la clinique du cheveu, elle a fait des cures de levure de bière. Ça a été vraiment quelque chose, un combat pendant pas mal d'années. Et elle a fini par se résigner en se disant « ben voilà, j'ai des cheveux qui sont fragiles et qui sont très fins. » Et c'est vrai qu'il y a aussi l'image de nos tantes et de ma grand-mère. Moi, ma grand-mère et mes tantes, elles ont quasiment plus de cheveux parce qu'elles les tirent énormément. Elles serrent leur foulard très fort. Et c'est vrai qu'on va donc dans les bains publics, là, ce qu'on appelle le hammam. Et souvent, c'est des moments où on a réalisé avec ma sœur, c'est des moments où tu vois les cheveux. Et en effet, tu te dis, elles n'ont plus de cheveux à cet âge-là. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une peur. Moi, c'est une peur que j'ai toujours eue. Mes cheveux ne poussent pas vite. Et c'est aussi pour ça que j'avais du mal à franchir le cap de me raser. Parce que je savais qu'en me rasant, je ne retrouverais jamais des cheveux longs. Parce que mes cheveux ne poussent pas. Et du coup, je pense que ouais, y a quand même un bagage héréditaire qui va influer la manière dont tu vas t'occuper de tes cheveux et le rapport que tu vas avoir avec eux, quoi. Maria, et don't move, Maria. It don't move, it don't move, Maria. It don't move, you don't tell me, Maria. Je peux tirer une boucle. Petit fessage, je te crève. Bon alors, je dis, je touche tes cheveux. Maria. Touche à ton cul. Ah, les cheveux frisés. Mon fils, ma bataille. Et personne n'y touche. Ça prend tellement de temps à s'en occuper. 20 minutes minimum. Tous les matins. Sans ton séchage. C'est dur à dire. Sans séchage. We vote shoes. On sort. Je suis prête dans 5 heures. Ah, mais moi, les filles qui se coiffent en 2 minutes et qui ont les cheveux lisses, je peux pas les voir. Et une des formes que prend le rejet des populations noires, c'est le regard porté sur leurs cheveux. Le cheveu noir, crépus, frisé, communément qualifié de rash. Depuis avril, en France, il existe un mouvement rash. Beautiful. L'idée est de valoriser ce type de cheveux au sein des communautés maghrébines. Que nous, on se lève pas le matin avec des belles boucles. Non, non, non. Il faut s'en occuper. Et en plus, ce sont eux qui décident comment ils vont être. Des fois, même route, même produit. Et le matin. Pourquoi? Et quand ils sont cool, pourquoi ils sont bien aujourd'hui? Là, j'ai fait quoi? Mais j'ai fait quoi? Je sais pas. En tout cas, c'est Instagram direct. Hashtag curlier. Hashtag je sais pas pourquoi. T'aurais dû me voir hier. Ouais, parce que quand on met des soins, bah juste tu les hydrates et tu les démêles. Faut pas avoir de dread. Ah, parce que les cheveux frisés se tressent tout seuls. Ah, bah si tu veux une tresse, faut être sûr. Hein. Parce que c'est pour toujours. Une personne est rentrée et voyant que la population du salon était à dominante noire, a demandé, mais en fait, vous ne faites pas, vous ne vous occupez pas des cheveux normaux dans votre salon. Et donc, bah, j'ai répondu que non, en fait, les cheveux normaux, c'était en sortant par la porte à droite. Voilà. Parce que nous n'avons pas de cheveux normaux. Et attention, ne jamais peigner des cheveux à sec. Jamais. Ah bah non. Dès que t'as besoin d'être concentré, tu les attaches. Chignon, ananas, au choix. Parce qu'en liberté, tu les retrouves partout. Même dans la raie. Et je ne parle pas de l'animal marin. Fais attention. Avec un élastique costaud. Oui, parce que chaque jour, des millions d'élastiques meurent à travers le monde. Cassés, éclatés, dans des cheveux frisés. Parce que quand tu les attaches, c'est la bagarre. Ça nous fait les bras, frère. Comme le brushing. Brushing d'une heure et quart. On a des épaules, mon pote. Lourd. On est là, la famille. Hashtag no pay no gain. D'ailleurs, qu'on se les lisse. Arrêtez-nous. Oh, mais ça te va trop bien, en fait. On est vexé. Oui, je sais, on est relou. Et ce qui est pénible aussi, c'est qu'avec ce plumeau sur la tête, on ramasse tout. Toile d'araignée, poussière, jouets pour enfants. Ah mais moi j'ai déjà perdu une épingle à cheveux pendant une semaine. Je la retrouve quand je me lave les cheveux. Ah mais tu peux y cacher des objets. Oui, attends, j'ai ça dedans. Hop là, touche Maria. Pas. Et don't move, Maria. Et don't move, et don't move, Maria. Et don't move, you don't tell me, Maria. Je fais comme je veux, danser mes cheveux, danser mes cheveux, danser mes cheveux. Bonjour, je m'appelle Ravi, j'ai 32 ans, je suis un mec trans et ensuite je suis né à Madagascar. J'ai jamais habité là-bas, mais du coup je suis né et après j'ai toujours habité dans les îles, donc Réunion et Guadeloupe. Du coup j'ai la peau noire, enfin pas on va dire marron clair, je sais pas, pas noir noir comparé à ma sœur. Et par contre, du coup, j'ai les cheveux crépus. Donc après, il y a deux sortes de crépus. Il y a vraiment crépus. Et moi, j'ai les cheveux moins crépus que ceux de ma sœur. Et les cheveux courts, du coup. Parce que c'est trop long à coiffer avec les cheveux longs. Du coup, moi, c'est Cricri. Je sais pas trop quoi te dire dans ma présentation. Ben, je suis une Marseillaise, je suis butch, je suis footeuse, et voilà quoi. Ben, moi je suis une personne blanche, et j'ai des cheveux très frisés. Très très frisés, qui font des petites bouclettes hyper frisées, qui remontent. Enfin voilà, j'ai des cheveux particuliers, on va dire, pour une personne blanche. Avant, quand j'avais les cheveux un peu plus longs, quand j'étais plus jeune, du coup, ma mère, elle nous faisait des tresses ou des nattes, des rajouts en fait, pour éviter de coiffer tout le temps parce qu'à démêler, c'était juste horrible. Et après, pendant très longtemps, pendant peut-être pendant 15 ans, j'ai défrisé mes cheveux. Donc du coup, au début, je défrisais, on va dire, une fois tous les 3 mois, donc ce qui était beaucoup. Et après, au fur et à mesure, j'ai défrisé un peu moins, mais toujours pareil, toujours en gardant les cheveux courts. Et après, là, ça fait 2 ans que je défrise plus du tout. Mais du coup, je coupe très très court pour que ce soit plus pratique, en fait, pour le matin. Et alors, du coup, je vais défriser mes cheveux parce que j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux lisses. Donc, faut pas se mentir, hein, nous, quand on a les cheveux bouclés, enfin les cheveux crépus, on va avoir les cheveux lisses. Et les personnes qui ont les cheveux lisses vont avoir les cheveux bouclés ou crépus. Et du coup, parce que j'ai toujours voulu avoir un certain type de coiffure, en fait. Chose qu'on pouvait pas avoir en ayant les cheveux crépus. Et du coup bah le souci c'est que de défriser souvent bah ça abîme les cheveux, ça abîme aussi la peau du crâne, donc du coup on a plus de pellicules et tout. Et en fait ce qui a fait que j'ai arrêté de défriser, c'est il y a trois ans je suis parti en Australie. Et c'est vrai qu'en Australie j'ai galéré à trouver des coiffeurs pour défriser ou sinon c'était trop cher. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais arrêter de défriser, mais du coup, je vais couper beaucoup plus court. Et voilà, du coup, depuis, bah c'est resté, en fait. je pense depuis le confinement, j'ai commencé à les lâcher à la maison, du coup, sans le regard des autres à l'extérieur. Et c'est ça qui m'a fait un petit peu, parce que ça a duré longtemps, il y a eu plusieurs périodes. Et du coup, voilà, ça m'a fait les lâcher de plus en plus. Et du coup, quand c'est clair qu'il y a plein de gens qui te disent que c'est beau, là, ça te donne un petit peu plus envie de les lâcher. Et je pense que, ouais, grâce aux gens, quoi, un peu aux gens qui parcourent ma vie. Parce que quand même, avant aussi, il y a 10 ans, j'ai vu plusieurs trucs avant de les attacher, je les plaquais. Du coup, je faisais les plaques chauffantes jusqu'à ce qu'ils soient hyper raides. C'était soit attaché, soit raide, quoi. Du coup, c'est clair que maintenant, les lâcher, c'est comme une seconde vie pour eux. Pour moi aussi. Alors, ma coiffure, en ce moment, j'ai les cheveux qui sont décolorés, donc surtout une partie, en fait, j'ai une crête un peu à l'espagnol, un peu iroquoise espagnole, enfin plus espagnole, on va dire. C'est quoi une crête espagnole ? L'iroquois, c'est. Alors, la différence, c'est que l'iroquois, la crête, elle sera très fine. Très fine d'en haut jusqu'en bas et du coup plutôt haute. Et espagnol, en fait, c'est plus avec. Je dirais pas un mulet parce que j'ai pas un mulet, mais on va dire qu'elle est beaucoup plus large. Du coup, j'ai la crête espagnole. En haut, elle est décolorée parce que au moment où j'ai fait la coloration blond, j'avais coupé très court sur le côté. Et là, maintenant, ça a repoussé. Donc, du coup, j'ai les cheveux qui sont bruns sur les côtés et du coup, blonds au-dessus. Du coup, ouais, moi, ma coupe, vraiment, depuis de nombreuses années, c'est je tire mes cheveux à bloc, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui dépasse et je mets du gel et je fais une espèce de chignon. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui dépasse, ça m'énerve. I was expelled from school for having braided hair extensions. And there was this kid who bullied me, called me a boy and said I looked ugly. People used to call me pigeon's nest, rat's nest, dumb blonde or Barbie, gingy, ginger, lightning, electricity. Any like character that really has orange or red hair. It really impacted how I thought people saw me. When I found out my sister was being bullied for having short hair, I was really angry and upset. So I cut mine in solidarity. L'étude nocturne. Alors oui, j'aime beaucoup mes cheveux, surtout que maintenant que je les coupe régulièrement, en fait, je les coupe une fois par mois. Et en fait, avant, le fait de pas les défriser, pardon, du coup, j'ai coupé moins souvent et du coup, j'avais les cheveux qui s'abîmaient beaucoup parce que comme je faisais beaucoup de surf à l'époque, du coup, j'avais les cheveux qui se décoloraient naturellement avec le soleil et le sel. Et par contre, ils avaient un effet de paille, en fait, un peu paille brûlée. Je pense que j'apprends un peu à les aimer depuis quelques années. Quelques années, c'est-à-dire, je pense, 3 ans. Sinon, je les ai toujours détestés. Parce qu'on se moquait de moi à l'école. Et je comprenais pas. 2, parce que on m'a jamais appris à en prendre soin, à les coiffer. Je les comprends pas, je crois qu'on se comprend pas encore, mais voilà. Maintenant, j'essaie de faire un petit peu plus d'efforts et d'essayer de m'accepter comme je suis, on va dire, et d'accepter mes cheveux. Mais oui, ça fait quelques années maintenant que je les aime bien et que j'essaie de faire des trucs avec. Des trucs genre de les coiffer, ne serait-ce que de les coiffer déjà. Et, ah oui, aussi un truc qu'il faut préciser, c'est que à l'époque, quand je suis arrivée en France, il y a une fois où je me suis fait refuser, enfin le coiffeur était très honnête pour le coup, il m'a dit je ne saurais pas couper les cheveux défrisés. Donc du coup, je lui ai dit mais comment ça se fait ? Enfin à l'époque il y avait, c'était quand même un peu la mode que les gens aient les cheveux défrisés. Et voilà, il m'a dit que à l'école en fait ils avaient pas appris. Et c'est vrai qu'un jour, enfin même un peu plus tard, peut-être un an ou deux ans après, j'ai regardé une émission où c'est une jeune femme africaine. Alors je pourrais plus vous dire le nom et le prénom, qui venait d'Afrique. Elle a ouvert une école carrément de coiffure sur Paris. Et en fait, elle disait qu'elle apprenait du coup la coiffure sur tout type de cheveux, pour pas que plus tard les Africains ou même d'autres personnes avec les cheveux plus bouclés en fait soient refusés dans les coiffures, dans les salons de coiffure. Et voilà, du coup elle disait que c'était assez nouveau en fait comme type d'apprentissage. Put on our tees and our skinny leg jeans, 'cause the nappy-headed queens are stepping on the scene. I was a skinny leg girl from the inner city. I never knew exactly what I really wanted to be. My mama never told me it would be this hard when I was playing hopscotch in the backyard. She said, study your lesson, be a good girl, keep God first and you can conquer the world. Now that I'm older, I can see exactly what mama was telling me. Afrolicious is who we be, killing all these brothers naturally. Put on our tees and our skinny leg jeans, 'cause the nappy-headed queens are stepping on the scene. Wearing afro puffs and skating through the streets, not a care in the world, eating ice cream treats, Jolly Ranchers and lemon heads, bottle cap candies and rolling reds. Me and my girls playing on the block, chasing all the boys with the beautiful locks. We never thought we would grow up to be the definition of a black woman, you see. Afrolicious is who we be, killing all these brothers naturally. Put on our tees and our skinny leg jeans, 'cause the nappy-headed queens are stepping on the scene. Afrolicious is who we be, killing all these brothers naturally. Put on our tees and our skinny leg jeans, 'cause the nappy-headed queens are stepping on the scene. Sometimes I long for my childhood days, when I was playing in the park in a childhood way. Although I'm tired, I won't quit, because my mama keeps telling me that you can do it. Now that I'm grown and living the good life, I gotta follow my dreams every day and every night. They can't stop me or hold me down, because I ain't giving up without a good fight. If you wear your hair straight, curly or kinky, I think it's all beautiful from the eyes I see. Ain't nothing wrong with being who you wanna be, because the world revolves around versatility. Afrolicious is who we be, killing all these brothers naturally. Put on our tees and our skinny leg jeans, 'cause the nappy-headed queens are stepping on the scene. Afrolicious is who we be, killing all these brothers naturally. Put on our tees and our skinny leg jeans, 'cause the nappy-headed queens are stepping on the scene. L'étude nocturne. Et toi, ça te fait quoi de savoir que, par exemple, tes cheveux ne faisaient pas partie de la gamme d'apprentissage pour des coiffeurs en France? Ben, alors moi, d'un côté, ça m'a... J'ai été surpris, oui et non, dans le sens où je me dis quand même, à l'époque, on était... c'était il y a quand même 10 ans en arrière. Mais c'est vrai qu'en France, c'est un peuple qui est tellement mixte que je me dis, à un moment donné, il faut bien savoir, faut bien apprendre. Et d'un côté, je me disais, en même temps, c'est tellement chiant de couper les cheveux frisés que, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a même, il y a 3 mois, je suis allée chez un coiffeur, donc un autre barbier, mais du coup, là, c'était tenu par des Français, enfin, pas des Français, mais on va dire des Blancs. Voilà, par des Blancs. Et en fait, donc j'avais demandé une crête. Et du coup, le jeune, il était en apprentissage. Donc pour le coup, il savait pas le faire. Et en fait, il m'a complètement raté. Il a commencé à me faire une crête à l'iroquoise. Vraiment, genre, bien iroquoise. J'étais là, oula, non, moi, je veux pas ça du tout. Et du coup, c'est son collègue qui a repris, du coup, la coupe. Parce qu'en fait, il lui a dit, je vois que t'as coiffé comme si tu coiffais des cheveux lisses. Et il lui a expliqué que en fait les cheveux frisés, il fallait plus tailler, pas coiffer, faut coiffer différemment, il faut le faire différemment. Et du coup, il a repris la coupe, donc je suis resté bien une heure chez le coiffeur, pour tout arranger. Mais et là, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie que je vais chez eux, quoi. Ils ont perdu un client. Moi, l'expérience salon de coiffure, ça a toujours été une expérience traumatisante. J'ai mis énormément de temps à aller dans un salon de coiffure. La première fois, c'est quand j'avais 20 ans. Avant ça, c'était toujours ma mère qui me coupait les cheveux. Donc, elle connaissait mes cheveux. Donc, elle me faisait juste les pointes. Et c'est vrai que les premières fois où je suis allée dans les salons de coiffure, où la personne, elle te brosse, moi, c'est en mode, non, faut pas me brosser mes cheveux parce qu'en fait, tu vas casser toutes mes boucles et je vais avoir une tête horrible. Et je savais très bien qu'en sortant de chez le coiffeur, j'allais pas me plaire, mais que j'allais rentrer chez moi, que j'allais me réhumidifier les cheveux, les sécher à ma manière pour retrouver mon identité par mes cheveux. Et j'avais beau essayer de leur dire, ils comprenaient pas, ils savaient pas comment faire la plupart du temps. Et je me rappelle la toute première fois où je suis sortie de chez le coiffeur, je me suis fait lisser les cheveux. Elle m'a pas vraiment laissé le choix, elle m'a dit non, mais si, c'est brushing obligatoire, ça va avec la coupe. Et je suis sortie, j'ai été retrouver mes potes, donc je devais avoir, je crois que c'était ce même fameux jour à 20 ans. Et je suis arrivée, ils ont tous éclaté de rire, ils étaient là, mais on ne te reconnaît pas, mais qui es-tu? Enfin, c'est comme si, on m'avait piqué mon identité, quoi. Vraiment, l'impression d'être volée, quoi. L'étui nocturne. Est-ce que tu as toujours aimé tes cheveux? Non. Ah non, au début, je détestais mes cheveux. Quand j'étais jeune, c'était compliqué. J'ai jamais subi de moquerie par rapport à mes cheveux. Mais c'est vrai que moi, je voulais vraiment avoir les cheveux lisses. Surtout que j'ai ma grande sœur, elle est de l'île Maurice. Du coup, elle a les cheveux ondulés. Enfin, on va dire peut-être boucle anglaise quand ils sont pas très disciplinés, mais voilà, elle a quand même les cheveux assez lisses et j'ai toujours voulu avoir ses cheveux. Et c'est vrai que oui, pendant très longtemps, j'aimais pas du tout mes cheveux, quoi. C'était catastrophique. Parce que j'ai toujours voulu avoir les cheveux lisses, toujours voulu avoir un type de coiffure que seulement que les cheveux lisses pouvaient avoir, en fait. Et par exemple, avoir des pics, c'est tout bête. Mais à l'époque, moi, je suis une génération où les garçons, ils avaient des pics sur la tête et j'ai toujours rêvé d'avoir cette coiffure. Donc c'est à partir de là, en fait, que j'ai défrisé mes cheveux pour pouvoir faire des pics. Mais là, c'est marrant parce que du coup, ma sœur qui a les cheveux beaucoup plus crépus que moi, du coup, elle a un fils, en fait, et le papa, lui, il est blanc, donc ça veut dire cheveux raides. Et dans ma tête, j'étais là, mais pourvu qu'il ait pas les cheveux frisés comme moi ou comme sa mère, parce que le pauvre, il va galérer. Et du coup, là, il a des anglaises. Donc, c'est chouette. Enfin, moi, je trouve que ses cheveux, ils sont trop beaux. Et du coup, après, j'ai entendu dire que ça pouvait boucler encore plus, enfin, devenir plus frisé. Et je prie pour pas que ça devienne plus frisé. Parce que là, il a vraiment des très beaux cheveux et j'aurais aimé avoir les mêmes cheveux que lui, pour le coup. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu considères que les cheveux crépus, c'est moche ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est... En fait, non, pas du tout. Dans le sens où tout dépend comment on coiffe. Après, c'est vrai que c'est hyper dur à coiffer les cheveux frisés. Bon, maintenant, il y a pas mal de produits naturels qui existent pour rendre le cheveu crépus hyper joli, enfin hyper docile, on va dire, à coiffer. Et non, maintenant, les femmes qui assument les cheveux frisés, ou même les hommes, hein, parce que du coup, les hommes aussi, moi, je trouve ça très, très beau. Très, très beau, les cheveux frisés. Mais parce que là, tu dis, c'est ton enfin, neveu, du coup. Oui. Tu disais, je prie pour qu'il ait oui, pas... Oui, mais pour pas qu'il ait la même galère que nous quand on est petit, parce que moi, du coup, je sais pas si c'est le fait que, quand ma mère, elle nous coiffait, le fait de démêler on va pas dire arracher les cheveux, mais maintenant je crains plus du tout les cheveux, donc on peut m'arracher la tête, on peut me tirer les cheveux, je crains plus du tout. Et c'est vrai que quand t'es petit, t'as du mal encore, genre au moment de la douche du dimanche, bon allez, on démêle les cheveux, et là c'est la crise dans tous les sens, ça hurle, je me dis, ben, j'espère qu'il va pas connaître ça, parce que c'est vraiment une torture en fait. Toi, t'as connu ça. RFM. Et après, oui, chose que j'ai pas précisé, c'est que donc j'étais adoptée, mais j'étais adoptée par une famille blanche. Donc voilà, du coup, ma mère, elle a les cheveux très lisses. Et c'est vrai que, ben, au final, elle savait pas trop comment s'y prendre. Et je pense que à l'époque, les démêlants n'étaient pas aussi efficaces que maintenant. Là, il faut préciser que quand on met le démêlant dans les cheveux, ça se démêle tout seul maintenant. Enfin, c'est vrai que maintenant il y a des trucs spéciaux cheveux frisés, spéciaux cheveux ondulés, spéciaux cheveux raides, rêches. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et moi je trouve que c'est quand même assez efficace, hein, les nouveaux produits. Elle a pas eu accès. Elle a dû se débrouiller comme ça, on va dire du jour au lendemain, au moment où elle nous a eu. Et c'est vrai que pour elle, en fait, de nous faire des rajouts, ça l'aidait énormément parce qu'on les gardait peut-être 2 mois ou 3 mois. Et le plus dur, c'était au moment de les enlever où là, bah, du coup, il fallait démêler les cheveux. Et j'ai un souvenir où on l'avait fait en plein été. Il fallait démêler. Ma sœur et moi, on était dans la baignoire. Mais ma mère, elle essayait de nous démêler les cheveux et on hurlait dans la salle de bain. Ça, c'est un souvenir que j'ai. Et c'est vrai que c'était, ouais, pour nous, c'était vraiment une torture. Parce qu'elle savait pas faire, parce que les démêlants, ils étaient pas aussi bien que maintenant. Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, tu mets un bon démêlant à un petit ou une petite pour lui démêler les cheveux longs, ben je pense que ça fera moins mal qu'avant, quoi. Avant, j'ai l'impression qu'ils étaient moins frisés parce que je les ai coupés. Ma mère me faisait beaucoup de défrisage jusqu'à me brûler le crâne, quoi. Parce que elle aussi, elle savait pas comment faire. Du coup, enfin, je sais que quand j'étais petite, ma mère, elle me faisait les tresses, mais pas les tresses là plaquées, les tresses, tu vois, individuelles. Des petites tresses, quoi. T'as plein de petites tresses comme des petites rastas, mais c'était des petites tresses avec mes cheveux. Et ma mère, je sais qu'elle avait trouvé ça comme solution, mais ça lui prenait 2 heures de son temps, peu cher, tu vois. Et sinon, ouais, elle me les coupait. J'ai les cheveux, genre style mouton pendant longtemps. Des frisages, du coup, ça faisait des plus longues boucles. Et après, quand j'étais plus pré-ado et tout, c'était les plaques, quoi. Ma sœur me faisait les plaques. Donc c'était une solution, c'était soit les plaques, soit vraiment je les attachais. Pour moi, il n'y avait pas d'autres possibilités. En fait, quand je regarde les gens, je regarde souvent les coiffures. Surtout les cheveux courts. Et du coup, je me dis... Alors, au début, je regardais beaucoup les personnes blanches. Du coup, les coiffures de mecs blanches. Cheveux raides, du coup. Et maintenant, ben, je regarde beaucoup les cheveux de black. Beaucoup les cheveux frisés et me dire « Ah ouais, lui, sa coupe, elle est trop sympa et tout. » Du coup, j'essaie d'un peu de mémoriser pour la prochaine coupe et dire au coiffeur « J'aimerais bien avoir ça. » Ou sinon, je prends des coupes sur Internet, je regarde sur Internet et tout. Et c'est vrai que avant, en fait, ce qui était beaucoup à la mode aussi en Guadeloupe et que je faisais pas avant, c'est de faire les contours. Donc du coup, t'as une coupe assez carrée au niveau des contours, donc hyper propre et tout. Et c'est vrai que ben, maintenant, quand je regarde les gens, je regarde s'ils ont les contours qui sont faits et tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir une belle coupe. Et ça sera... En fait, entre-temps, j'ai changé de coupe. Donc avant, je faisais pas la crête. Avant, je coupais court. Je faisais assez long en haut et court partout, après, derrière et côté. Et là, voilà, du coup, j'ai changé de coupe, mais je me dis, si jamais je croise quelqu'un qui a une autre coupe, du coup, je changerai, je verrai, je vais voir. Maintenant, enfin, je suis plus dans l'admiration. Maintenant, quand je regarde, j'avoue, maintenant, les personnes noires, même que je connais pas dans la rue, quand elles ont des coupes un peu, j'essaye vraiment de regarder. Enfin, je regarde, quoi. Et aussi, de ah ouais, t'as quand même. Franchement, t'es forte, quoi. Tu vois, dans ce truc, vraiment, je pense que je suis en admiration devant les personnes qui arrivent à maîtriser leurs cheveux frisés. Et aussi, en rencontrant des gens, j'ai bien compris que tu pouvais rien faire avec des cheveux lisses aussi. Après, ça m'énerve encore quand il y a des personnes aux cheveux lisses qui me disent « Ah, mais si j'avais tes cheveux !» Ta gueule, en fait. Ça m'énerve beaucoup. RFM, l'étude nocturne. Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Tes avances, quand c'est que tu pars en vacances, quand c'est, quand est-ce que tu y penses, quand c'est, ça nous fera des vacances. Quand c'est, blanche. Mon rapport aux cheveux, il est beaucoup traversé par la chimio. Et que ça, c'est arrivé tôt dans ma vie et que ça m'impacte encore aujourd'hui. J'ai les cheveux bouclés, épais, secs. Voilà. Brun. Moi, petite, j'avais les cheveux très très longs. Je les avais jamais coupés. Ils m'arrivaient en bas des fesses. Et c'est vraiment, je les adorais, mes cheveux. C'était la seule partie de mon corps que j'aimais bien. C'était ça. Et après, il y a eu le cancer et la chimio. Et du coup, la seule fois, et la première et dernière fois où je suis allée chez une coiffeuse, c'était à ce moment-là. J'avais 11 ans. J'étais en CM2, quoi. Et c'était hyper dur. Et au petit moment de drama, mais cette séance chez la coiffeuse, du coup, moi je venais d'un petit village, donc on a aussi dans le village à côté pour l'endroit où il y avait une coiffeuse. Et Je me souviens d'arriver là-bas, que toute la région est au courant que j'ai un cancer parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'habitants, les nouvelles vont vite. Et la coiffeuse connaît mon père, elle m'a jamais vu moi, j'y vais avec ma mère qu'elle n'a jamais vue non plus. Et en fait, elle est déjà au courant que je suis malade. Et du coup, la coiffeuse se met à pleurer en fait pendant qu'elle me coupe les cheveux. Ma mère se met à pleurer. Et moi, je pleure pas et je suis sur ma chaise et je regarde la seule partie de mon corps que j'aime bien qui tombe sur le sol autour de moi. Voilà, ça c'est la seule fois où j'ai été chez la coiffeuse. Et du coup, quand mes cheveux ont repoussé, j'ai mis 12 ans à arriver à les recouper un tout petit peu, quoi. Je pense que c'était devenu un truc sacré où vraiment, enfin, je voulais pas les couper, quoi. Et du coup, que quelqu'un d'autre les coupe, c'était encore plus impossible. Et ouais, alors que pourtant, j'ai un souvenir au lycée de ne pas vraiment les aimer. Enfin, ils étaient frisés, ils étaient bouclés, j'aimais pas. Enfin, toutes mes copines avaient les cheveux lisses. Du coup, je suis passée par cette période du fer à lisser, de détester avoir une grosse masse de cheveux sur la tête. Mais quand même, je voulais pas les couper, quoi. Enfin, c'était... Je sais pas trop pourquoi je les aimais bien, mais... Mais ouais, enfin, ils étaient hyper longs, je trouvais ça classe, quoi. Oui, moi, j'ai aussi grandi dans un imaginaire, en fait, où vraiment, les meufs avaient les cheveux longs. Enfin, j'étais dans mon village, et plus jeune, c'était très loin des milieux féministes aujourd'hui, où en fait, plein de meufs ont le crâne rasé ou les cheveux courts. Et moi, j'avais vraiment aucun modèle, et je pense que c'était aussi ça qui était très dur. Enfin, j'avais aucun imaginaire d'être une meuf avec des cheveux courts, quoi. Ou même moi, j'étais chauve, en fait, avec la chimio. Donc c'est même pas des cheveux rasés, quoi. Il n'y a plus rien. Et enfin, ouais, c'était affreux, quoi. Enfin, moi, j'ai porté un foulard tout le temps où j'avais pas de cheveux et je l'enlevais jamais. Enfin, genre, je dormais avec. Je lavais même pas ma tête parce que j'arrivais pas à me voir chauve, quoi. C'était horrible, enfin... Je pense que ça a été une des parties vraiment les plus trashes du cancer, c'était ça, quoi, de perdre mes cheveux. Et du coup, enfin voilà, le cancer, ça a duré un an, et après, je suis retournée, enfin, je suis rentrée en sixième. Et du coup, j'avais plus la chimio, mais j'avais encore pas de cheveux, parce que ça prenait du temps pour que ça repousse. Et enfin, j'étais tellement... Enfin, je voulais vraiment pas qu'on voit mon crâne nu, quoi, c'était... Et du coup, j'ai un souvenir à la con de... On est en cours de PS, on fait des agrès, donc on est sur des barres en hauteur. À un moment, il faut que je fais une culbute sur le truc de la barre. Et là, je sens mon foulard qui bouge. Et du coup, en fait, je me lâche pour rattraper mon foulard et donc je m'écrase sur le sol. Mais j'étais là, putain, non, en fait, il n'y a pas moyen que mon foulard s'enlève. Et donc, je suis tombée des 2 mètres du truc par terre. Parce que j'ai tout lâché pour retenir mon foulard, quoi. C'était vraiment... Enfin, j'aurais préféré 1000 fois être nue devant tout le monde que sans foulard, quoi. De perdre mes sourcils et mes cils, c'était dur aussi, c'est sûr. Enfin, mais j'avais l'impression que c'était des parties du corps plus petites et que ça se voyait moins. Enfin... Alors que vraiment, un crâne chauve, ça se remarque, quoi. Et puis, d'autant plus que moi, j'avais les cheveux vraiment très très longs avant. Et que ça a fait un truc sans... Un peu sans transition et vraiment pas choisi. De me retrouver avec des cheveux qui m'arrivaient en bas des fesses à plus de cheveux du tout. Et pourquoi tu les as coupés il y a quelques mois ? Pourquoi tu les as coupés courts il y a quelques mois ? Mais je pense que que c'était un peu une envie de revanche aussi sur la chimio, de me dire vas-y, cette fois c'est choisi. Et aussi, grande nouveauté dans ma vie, c'est que j'ai laissé d'autres gens toucher mes cheveux pour vraiment la première fois, quoi. Alors, enfin, parce que je m'étais coupé les cheveux. Du coup, 12 ans après le cancer, donc quand même, ça a pris du temps. Mais c'était moi-même et moi toute seule, et c'était important que ce soit moi qui le fasse, quoi. Et que là, c'est une amie qui m'a coupé les cheveux, Et qu'en fait, c'était beau aussi de me dire, vas-y, je peux faire confiance à quelqu'un, quelqu'un qui me demande à chaque étape comment ça va. Et je pense que j'étais hyper chiante parce que j'étais là, non, tout petit, allez, un tout petit peu. Bon, vas-y, encore un peu plus, un peu plus. Mais qu'on a mis 3 heures à couper mes cheveux. Parce que c'était vraiment... Enfin, ouais, je voulais que ça aille à mon rythme. Et... Mais oui, je pense qu'il y avait un espèce de... Un peu de truc de revanche, de réarriver à faire un peu confiance, de... Ouais, d'arriver à les couper parce que c'est choisi. L'étui nocturne. Vous écoutez l'étu nocturne sur Radio Larzac. J'ai plus envie de les lisser, quoi. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Quand je vois des photos de cette époque, j'ai jamais... Ah là là, qu'est-ce qui s'était passé? Et ben, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que maintenant, tu as une réponse? Est-ce qu'il y avait des dictates du cheveu lisse, blanc Ah bah ben oui, je pense que très clairement, il y a l'imaginaire de cheveux lisses, blancs, ouais. Ouais, et pour moi, enfin, pour plusieurs discutes avec des copines racisées, enfin, je pense que ce qu'elles ont vécu, c'était vraiment vénère, quoi, en termes de normes de cheveux et de, du coup, les lycées. Les... Bah, moi, je suis toujours un peu keblo, quoi. Dans ce truc de. Bah, parce que moi, je me suis déjà fait traiter de sale arabe dans la rue par les gens. Parce qu'en fait, moi, je subis pas le racisme de la société. On va dire, j'ai jamais eu de problème à avoir un appart. À trouver du travail, oui, mais ça, c'est pas de la, par rapport à ma classe sociale, c'est pas du tout par rapport à ma race, je pense. Et Et du coup, oui, j'ai dans la rue, si moi je dis pas que je suis blanche, les gens me prennent pas pour une personne blanche. Du coup, c'est clair que j'ai déjà eu des insultes. Et des fois, de toute façon, je me fais suivre dans les magasins. Enfin, j'ai un peu les mêmes trucs des fois, tu vois. Mais maintenant, je sais pas trop quoi en faire. Je pense qu'en étant de gauche, militante et politisée, t'as plus accès aussi à l'histoire et à tout ce que les Blancs ont fait subir aux autres populations. Ce qui me permet à l'heure d'aujourd'hui de pas faire certaines coupes. On va dire que si j'étais pas politisée, tous les jours, je me ferais détresse. Parce que c'est juste un truc de simplicité et de fait de... En fait, c'est chiant de s'occuper des cheveux comme ça. Enfin, c'est pas chiant, mais c'est long. Ça demande beaucoup de patience. Du coup, en fait, c'est clair que sinon, je me ferais détresse tous les jours et je les laisserais tranquilles, quoi. Chut, dans un coin. Et voilà. Du coup, non, je sais pas trop quoi en faire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs... Il y a toujours deux clans. Parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup de... Enfin, des personnes noires qui m'entourent, des personnes d'Afrique du Nord et tout. Et en fait, il y a plein de personnes qui me disent, pour moi, en fait, t'as une histoire avec les cheveux qui est la même histoire que de certaines personnes non blanches. Du coup, pour moi, c'est OK parce que t'es en France de faire les tresses. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, en fait, non, tu peux pas faire ça parce que tu n'as pas subi le racisme depuis que t'es né. Enfin, en termes de comment tu peux subir le racisme quand t'es une personne noire ou quand t'es une personne... non blanche, tu vois. Et du coup, je pense que, ouais, il y a deux équipes, donc je reste toujours le cul entre deux chaises à pas savoir quoi faire de mes cheveux des fois, tu vois. Et je préfère ne pas le faire pour pas, en fait, faire du mal à des personnes que j'aime. Bah après, moi, j'ai pas le cheveu vraiment crépus. J'ai plutôt un cheveu bouclé. Du coup, je pense qu'il est quand même un peu plus facile d'entretien et qu'il demande pas forcément de compétences particulières. Par contre, je sais que quand mon neveu est né, ma sœur, elle a fait un enfant qui est métisse aussi avec son papa, il est ivoirien. Elle s'est questionnée par rapport à ça et elle a vraiment souhaité se former. Parce que même si elle est marocaine, elle n'est pas formée aux cheveux crépus. Et c'était important pour elle que son enfant ne subisse pas de maltraitance, parce que je pense que ça peut vraiment être de la maltraitance. Comment s'occuper de ce cheveu-là? Du coup, elle lui a acheté un peigne spécifique. Elle lui coiffe toujours quand il est dans le bain, pour ne pas lui faire mal et pour ne pas que ça devienne un trauma. Dès que je te touche les cheveux, ça va être assimilé à de la douleur ou à quelque chose de désagréable. Et elle lui achète des produits spécifiques qu'elle va chercher dans des boutiques où elle a les conseils qu'il faut. Du coup, moi, de ma mère, non, mais de ma sœur, ouais, y a eu une recherche. Et après, il y a des gens, ils font des chips aussi sur Insta. Dès qu'ils font... Je sais pas, dès qu'elles sont en mode BG et qu'elles sont fait une nouvelle coupe, elles se disent, ah, si vous voulez des chips en story pour vous montrer comment j'ai pris soin de mes cheveux. Et du coup, maintenant, avant, je pense que j'avais honte de demander ou j'avais l'appréhension de demander, que maintenant, non. Du coup, ouais, maintenant, je vais plus vers les gens pour demander des conseils. Alors qu'avant, je me disais, c'est pas ma place en tant que personne blanche. Ben, j'avoue que ça me touche moins. Je pense que ça me touche moins que si j'étais une personne noire. Parce que du coup, c'est vraiment des attaques des fois ciblées ou vraiment, quand on te dit ça à l'arabe et que t'es pas arabe, c'est clair que ça te touche moins, tu vois. Des fois, ça me touche. Donc ça, c'est plus surtout de me rendre compte de qu'il y a ces gens-là. Et ces gens-là qui, quand même, des fois, t'es dans le métro et on te touche la queue, quoi. Enfin, ou alors, la première fois que je suis arrivé au travail, il y a une collègue de travail qui m'a littéralement pris dans les bras, mais que les cheveux. Je sais pas, tu vois, comme si tu fais une câlin de cheveux. Je vois bien, oui. C'est plus pour expliquer aux auditeurs, aux auditoristes, là. Elle m'a fait ça, et je pense que je prends conscience en fait, que le... C'est super présent, le racisme aussi. Et je crois que ça me fait aussi du mal par rapport à... En fait, ça, tu sais, ce truc d'en fait, moi, j'ai 35 ans, je commence à le voir. Enfin, je commence à le voir parce que ça me touche vraiment fort. Et en fait, mes potes, depuis qu'ils sont nés, ils vivent ça. Du coup, moi, encore, ça va parce que j'ai pas 30 années derrière à dealer avec. Mais ouais, des fois, ça me fait juste du mal aussi pour mes potes, quoi. I'm gonna wear girls' clothes when I want to. I'm gonna wear boys' clothes when I please. So fuck you, fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. I won't fit inside your gender binary. I'm gonna break all the stereotypes you set up for me. All those stereotypes telling you I have to be manly. Well, sometimes I want a beard, but I won't go on tea. Cause I like my pretty voice, it just suits me. So fuck you, fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. So fuck you, fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. I won't fit inside your gender binary. I'm gonna grow my hair real long. I know that pisses you off. Maybe it's just cause I'm a hippie. Y'all look the same, it makes me yawn. Sorry to complain, but I just wanna wear what fits me. So fuck you, fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. So fuck you, fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. So fuck you, fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. I won't fit inside your gender binary. L'étui nocturne. En fait, j'aime bien avoir les cheveux longs. Je crois que... J'apparentais ça aussi à de la féminité. Quand je l'ai détaché, et moi, j'ai commencé à me construire dans un truc vraiment de butch. Et ça m'a fait de moins en moins aller lâcher, parce que pour moi, ça renvoyait un côté féminin que j'avais pas envie que les gens voient. Alors que c'est du fuck de n'importe quoi, tu vois. Enfin, maintenant, je m'en rends compte. Mais avant, vraiment, je voulais pas les faire beaux, parce que je voulais pas qu'on me drague aussi, que je voulais pas que des gars me draguent, ça c'est sûr, des gars 6-7, je voulais pas qu'ils me draguent. Et j'avais vraiment envie qu'on me prenne... Enfin, je sais pas, pour un gars, quoi. Je pense que toutes les expérimentations que j'ai pas pu faire plus jeune parce que j'étais trauma et que j'arrivais à rien changer sur mes cheveux, je les ai fait beaucoup plus tard. Moi, du coup, oui, j'ai fait des side cuts, des coupés derrière, des trucs un peu improbables et... auxquels j'aurais joué avant, peut-être. Je pense que c'était lié à... en avoir marre d'être prise pour une hétéra tout le temps et qu'il y avait un bouet de baigner dans un milieu queer et de me dire que j'ai envie d'être lue comme Gwyn et que c'était un peu un intermédiaire entre tout rasé et ouais, avoir l'air féminine tout en étant queer quoi. Et je trouve que c'est... Oui, moi je pense que c'est aussi des normes à l'intérieur du milieu qui sont chiantes en fait. Enfin, moi j'aimerais pouvoir être... Enfin, qu'on suppose pas que je suis hétéra parce que j'ai les cheveux longs et parce que je m'habille d'une telle façon, parce que j'ai pas de tatouage et que j'ai pas... Enfin, il y a tout un... Oui, des normes queer qui... qui sont chiantes en fait. Enfin là, je gardais mes cheveux longs, mais j'avais quand même un bout rasé. Bah, mon espoir, ça aurait été que les mecs s'arrêtent de me faire chier et qu'ils captent qu'il n'y avait pas moyen, mais ça ne marche pas. Spoiler, ça ne marche pas. Ouais, ouais, ouais, bah je pense de se libérer de l'injonction au féminin et au sexy. Et les cheveux longs, ben, c'est quand même quelque chose que... qu'on nous martèle avec ça. Enfin, moi, je me rappelle la première fois que je me suis coupé les cheveux courts, c'était pour faire chier mon père, et ça a super bien marché. Je devais avoir 20 ans, j'avais toujours eu les cheveux longs, mon père, il nous a toujours dit « vos cheveux, c'est super important », et je me suis coupé les cheveux au carré, et je suis arrivée, et il m'a dit « mais qu'est-ce que t'es moche, quoi ». J'étais content et en même temps un peu blessé. Tu sais jamais si tu fais les choses par provocation, mais est-ce que finalement c'est vraiment quelque chose que t'as fait juste par provoque ou est-ce qu'il y avait aussi un souhait de changer mais changer pour soi, mais je pense qu'au début c'était vraiment pour le faire chier, ouais. So fuck you, fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. I won't fit inside your gender binary. La première fois que je me suis rasée, je pense que c'était vraiment pour répondre à des codes queer. Jouer sur mon identité de butch et du coup rechercher la validation de la communauté. Et maintenant, plutôt j'en ai rien à foutre et je vais vraiment être dans un truc de comment je me sens beau. Et par exemple, quand j'ai 3 mm ou 4-5 mm, c'est déjà trop. Et j'adore être à blanc. Et c'est des, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'avais pas mal de dysphorie, je me trouvais très moche. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais commencer par me raser, ça va peut-être me faire me sentir bien. Et en effet, je me suis sentie un peu mieux. Ah non, mais moi, je ne vais pas les couper. Si je coupe, c'est que les pointes. Mais parce que c'est ça, ça fait longtemps que je n'ai pas envie de les couper. Après, des fois, je pense à faire la boule à la zéro et tout, mais je me dis, non, j'en suis plus là, en fait. Pendant longtemps, j'y ai pensé, mais aussi, vu que je ne sais pas comment est mon crâne, il y a ce truc de peur, en fait, de si tu les coupes tout et qu'en vrai, ça te va, hop, t'es un peu dans la merde. Du coup, j'ai jamais eu le courage de passer le pas. Et après, j'avoue que j'ai rencontré des très belles personnes dans ma vie, notamment des personnes avec qui j'étais en relation, qui m'ont vraiment... de la manière dont elles ont touché mes cheveux, dont elles m'ont regardé dans l'intimité, ça m'a fait vraiment ce truc de bien, tu vois. Et ça n'a jamais remis en question mon identité. Du coup, voilà, maintenant je suis plus libérée, on va dire. Ah, ça fait aussi quelques années que j'accepte mon côté féminin, du coup. Je deal plus avec le truc de... C'est pas parce que je me lâche les cheveux et que je mets un petit peu de mascara que je suis plus une butch. Et aussi, je crois que je suis plus au même endroit dans le genre maintenant qu'il y a quelques années. Ben, ça bouge, en fait. Tu vois, du coup... Ouais, je suis en admiration vis-à-vis des personnes qui auraient... des cheveux qui correspondraient pas forcément à leur identité de genre ou à leur apparence. Par exemple, j'ai une pote qui sort ni être une meuf ni être un mec, mais pour autant, elle a tellement une apparence dite féminine, donc je mets des guillemets, hein, que du coup, elle a vraiment un passing de meuf cis. Et du coup, je trouve ça plutôt admiratif de pas avoir besoin de passer par une revendication en se rasant la crâne ou en ayant une coupe dite plutôt masculine. Et pourtant, d'être dans un truc de genderfucker, quoi. Du coup, moi, je trouve ça trop stylé. Et pareil, il y a eu tout un truc aussi... moi, j'ai pas mal de potes racisés. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une époque où on se lissait les cheveux. Moi, je l'ai jamais fait. Mais moi, j'ai des potes au collège qui se passaient les cheveux au fer à repasser. Et du coup qui s'abîmaient les cheveux et qui se supportaient pas avec les cheveux bouclés, et à chaque fois que t'avais le privilège de dormir chez elle et qu'elle se réveillait au matin avec les cheveux naturels, t'étais en mode mais waouh, mais t'es tellement canon comme ça. Et je pense que ça, c'est clairement notre société raciste qui va nous influencer, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se mettre en place. Il y a plus en plus de potes noirs ou rebeux qui se laissent leurs cheveux naturels, et c'est trop bien. Enfin, ouais, pour moi, c'est aussi un acte de revendication. Mais aussi, c'était vraiment la maladie pour moi. Enfin, les seules fois en fait où j'ai vu d'autres filles chauves, c'était à l'hôpital, et c'était des filles qui avaient un cancer, quoi. Et du coup, ouais, c'était vraiment un crâne malade, quoi, un crâne chauve. Et encore plus sur une fille, ouais, je pense que ça jouait aussi. Enfin, parce qu'en fait, les garçons avaient les cheveux courts et je trouvais pas ça choquant, mais... Je pense que je peux pas m'empêcher de me dire que si j'avais un autre cancer, ce serait moins dur sur ça. Parce que j'aurais l'air moins chelou, parce que dans les milieux dans lesquels j'évolue, en fait, il y a plein de meufs qui ont pas de cheveux ou des cheveux très courts. Que, ouais, ça me rassure, que je trouve ça beau aussi sur mes copines. Alors que moi, quand j'avais les cheveux courts, je trouvais ça monstrueux, quoi. Enfin, c'était... Et que, ouais, ça c'est aussi le fait de plus être à la campagne aussi, de voir du coup d'autres gens, enfin. Ouais, plus de diversité de coiffure. Je pense que ça me fait beaucoup de bien, en vrai. Enfin, ça me crée des imaginaires de cheveux courts auxquels je peux m'identifier, qui sont choisis, positifs. Oh. Bah, j'ai l'impression que là, de me libérer de pas mal d'injonctions, autant par rapport au genre que par rapport au fait que je sois racisée, de plus assumer, ça me permet globalement d'être plus en accord avec, avec la tête que j'ai. Et, après, il y a toujours un truc un peu délicat, par exemple, avec ma famille. On fait beaucoup de WhatsApp. Enfin, eux, ils adorent les WhatsApp. Les vidéos. Les vidéos, ouais. Et moi, c'est toujours un cap à passer parce que je supporte pas mon reflet dans la vidéo et que parce que je me dis que c'est pas ce qu'ils attendent de moi. Moi, j'ai beaucoup entendu, mais t'étais tellement plus jolie quand t'avais les cheveux longs. Et du coup, bah, je garde ça en moi et quand je vois mon reflet et que je suis en communication avec eux, bah, cette phrase, elle revient. Et c'est comme si j'acceptais cette idée que j'étais pas assez bien pour eux et que du coup, le fait de, par exemple, leur envoyer des photos, eux, ils s'envoient beaucoup de photos via le WhatsApp des familles. Et moi, la plupart du temps, quand je vois ma photo, je suis trop butch, trop mec pour pouvoir partager ces photos-là. Donc, je fais des selfies comme ce matin. Par exemple, je suis allée promener mon chien et il y avait les petites feuilles de l'automne et je trouvais ça joli. J'avais un pull vert. Je me suis dit, ah, en termes de couleur, on est pas mal, là. Et en fait, j'ai fait 3-4 photos et je ne leur enverrai pas parce que j'ai pas la gueule qu'il faut sur cette photo-là pour être validée par la famille, quoi. La dernière fois qu'on a eu une interaction par rapport à ça, je leur ai dit que je ne voulais plus qu'ils commentent ni mon corps ni mon style. Du coup, il n'y a plus trop ça. Mais comme il n'y a plus ça, bah, je reste aussi sur l'idée que ça ne leur plaît pas. Peut-être que ce serait intéressant de les re-questionner maintenant qu'ils ont vraiment la volonté de bouger et de m'accepter comme je suis. Enfin, ils essayent. Du coup, peut-être de leur redire quoi que ça... je ne sais pas. Peut-être, est-ce que ça me ferait du bien ? Finalement, je suis encore à rechercher leur validation. Je crois que je sais pas si j'ai forcément envie qu'ils me disent que je suis beau comme ça, mais... Peut-être que oui, un peu, au fond. Ça me fait chier de l'admettre. Il y a 15 cheveux sur la tête à Mathieu, et il n'y a que le temps, et il n'y a que le temps. L'étude nocturne, saison 5, épisode 32, RFM, partie 1. Stop talking about black hair. What you mean? Nah, don't cheese me. I don't care if it's 4B or 3C. Whether she Moesha or Niecy. If she got a wig done like Khaleesi. I know the effort it took wasn't easy. And I know that she ain't do it to please me. So I never try to put her beneath me. Imagine how a black girl feel when she's told that she ain't trying her best though. Just imagine how a black girl feel when she's told that she ain't follow a dress code. Just imagine how a black girl feel when you ask her if she bald headed. From then too, all the ignorant shit that had used to fly before was all dead. Cause y'all bullshit and work. Every black person, black woman, black girl deserves the same privileges as our peers. So we deserve the right to go to work and to not be attacked. We deserve the right to have an education and to not be attacked. And we deserve the right to go for dinner with friends and not be expected to be the educator of all things black hair, black history, black hair care. We start to say terms like microaggression and macroaggression. But I would argue that we should really be saying racism.